بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve en état d'impureté majeure au fajr, à l'aube, et également est-ce qu'il est permis de jeûner pour une personne qui est décédée. On va lire le hadith numéro 25. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع. عائشة et أم سلمة radiallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam se trouvait au matin en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, min jima', c'est-à-dire à cause d'un rapport sexuel. Min, on a tawfid al-sababiyya, min exprime la cause. Donc il était en état d'impureté majeure suite à un rapport sexuel, suite à un rapport charnel. Thumma yaghtasilu wa yasum. Puis il accomplissait son ghusl, c'est-à-dire ses ablutions majeures, et continuait à jeûner. Muttafaqan alayhi, ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Wa zada Muslim fi hadith Salama wa la yaqdi. Et Muslim a ajouté dans le hadith Salama et il ne rattrapait pas ce jour de siyam. La première question qu'on va voir est si une personne se retrouve en état d'impureté majeure au fajr, à l'aube, et qu'elle débute son siyam sans avoir accompli son ghusl, est-ce que son siyam est valable ou pas? Ou faut-il obligatoirement qu'elle accomplisse son ghusl avant le fajr? Alors la majorité des savants est d'avis que son siyam est valable. Ils se sont basés sur le hadith qu'on vient de lire, qui indique clairement que le prophète alayhi salatu wasalam se trouvait au fajr, au matin, à l'aube, en état d'impureté majeure, suite à un rapport sexuel, et pourtant il accomplissait son ghusl et continuait son siyam. Donc au moment où il a commencé son siyam, il était encore en état de janaba. Il n'avait pas accompli le ghusl avant le fajr, et pourtant son siyam est valable et il n'avait pas rattrapé ce jour-là. Le Cheikh Mohammed bin Hizam a cité qu'il y a eu un khilaf, une divergence à l'époque des tabi'in. Il a cité que la cause de cette divergence est un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, où Abu Hurayra radiallahu anhu disait que man adarakahu al-fajr wa huwa junub fala sawma lahu. Il disait que celui qui se retrouve au fajr en état d'impureté majeure, eh bien son siyam n'est pas valable. Donc voilà la cause de la divergence. Mais certains savants comme Ibn Khuzaymah ont expliqué que cela était abrogé. Ce jugement-là était abrogé. C'est-à-dire que ce jugement-là datait d'auparavant. Puis par la suite, Allah Azza wa Jalla a établi un nouveau jugement qui a remplacé ce jugement-là. Car comme on l'a dit au début de la série de cours, le siyam a été établi par, a été instauré par étapes. Et au départ, eh bien, les musulmans n'avaient pas le droit de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels à partir du moment où ils avaient accompli le salat al-Isha, ou après s'être endormis, ou après avoir eu un rapport sexuel. C'est-à-dire que celui qui a accompli le salat al-Isha, eh bien, n'avait plus le droit de manger et de boire. Si quelqu'un accomplissait le salat al-Isha, par exemple, à minuit, eh bien, après minuit, il fallait qu'il attende la nuit entière, plus la journée de siyam du lendemain, pour pouvoir manger et boire. Également, Si la personne s'endormait par exemple jusqu'au milieu de la nuit, eh bien lorsqu'elle se réveillait, elle ne pouvait pas manger ni boire. Il fallait qu'elle attende la fin de la nuit, plus la journée de siyam du lendemain complète, pour pouvoir manger et boire. Et également si elle avait un rapport sexuel. Donc ils ont dit que les propos d'Abu Hurayra radiallahu anhu dataient de cette époque-là, puis cela a été abrogé. Par la suite, il est devenu permis de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels jusqu'au fajr, jusqu'à l'aube. Et lorsqu'on informa Abu Hurayra radiallahu anhu du nouveau jugement, eh bien, il a délaissé ses anciens propos. Donc, en résumé, ce jugement-là a été abrogé. Donc, l'avis le plus juste est que celui qui se retrouve au fajr en état d'impureté majeure peut commencer son siyam, même s'il n'a pas encore accompli son ghusl, et son siyam est valable et il n'a pas à rattraper ce jour-là. Et c'est le même cas pour la femme qui est en période de règles. Si une femme voit la fin de sa période de règles avant l'apparition de l'aube, mais qu'elle n'a pas encore accompli son ghusl, ses ablutions majeures, eh bien, elle peut quand même débuter son siyam, puis accomplir son ghusl et continuer de jeûner le reste de la journée. Et son siyam est valable et elle n'a pas à rattraper ce jour-là. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à déduire tout seul un jugement, un hukm, à partir d'une seule preuve. Il faut étudier l'ensemble des preuves qui se rapportent à la question pour pouvoir déduire un jugement. Donc, il faut revenir aux paroles des savants qui, eux, ont étudié l'ensemble des preuves sur la question, qui ont fait une synthèse et qui ont fait un regroupement entre les différentes preuves, puis on en a tiré un jugement, un hukm. Donc, il ne faut pas tirer seul un jugement à partir d'une seule preuve. Car, par exemple, il se peut qu'on lise un hadith qui indique que telle chose est obligatoire, alors qu'elle n'est que recommandée. Pourquoi? Car il y a d'autres preuves qui ont détourné cette obligation vers la recommandation. Donc, il faut étudier l'ensemble des preuves sur la question. Ou il se peut également que ce hukm ait été abrogé, c'est-à-dire quand Allah Azzawajal est venu avec un nouveau hukm. Ça, c'est quelque chose de plus rare, mais ça peut arriver et on en a un exemple dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas se précipiter à déduire un jugement seul à partir d'une seule preuve. Il faut faire un gros groupement entre les différentes preuves, une synthèse entre les différentes preuves. On continue avec le hadith numéro 26. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. عائشة رضي الله عنها rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: quiconque meurt alors qu'il devait s'acquitter d'un siyam, que son wali, c'est-à-dire que ses proches, que ses héritiers, jeûnent pour lui. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. La première question qu'on va traiter est: si une personne décède alors qu'elle devait s'acquitter d'un siyam, est-ce que l'on peut jeûner en sa faveur? Est-ce qu'on peut accomplir ce siyam-là à sa place? Le premier avis est qu'on ne peut pas jeûner à sa place et qu'il faudra nourrir des pauvres en compensation. C'est l'avis de l'imam Malik, d'Abu Hanifa, de Shafi'i et d'autres savants également. Ils se sont basés sur la parole d'Allah Azzawajal, « Wa laysa lil insan illa ma sa'a », c'est-à-dire que l'homme n'obtiendra que le fruit de ses efforts. Il n'obtiendra que le fruit de ce qu'il a accompli. Donc ils ont dit qu'ici, ce n'est pas la personne qui a accompli le siyam. Donc, on ne peut pas jeûner en sa faveur. Ils ont dit que c'était comme la salat. Par exemple, la salat. On ne peut pas accomplir la salat à la place d'une autre personne. Eh bien, ici, c'est le même cas. Ils se sont basés également sur un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, a informé que lorsqu'une personne meurt, ses œuvres cessaient, sauf trois choses. Il a cité une sadaqa jariya, une aumône qui perdure, même après sa mort, également ilm yuntafi'bi, une science profitable, et des enfants qui vont invoquer en faveur du défunt. Donc ils ont dit qu'ici, les œuvres du défunt ont cessé, donc on ne peut pas jeûner à sa place. Le deuxième avis est qu'on ne peut accomplir en faveur du défunt que siyam al-nadr, c'est-à-dire que le siyam que le défunt avait fait le vœu, le serment d'accomplir. Ils se sont basés sur un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, où une femme était venue trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui expliquant que sa mère était morte alors qu'elle avait fait le vœu, le serment d'accomplir des jours de siyam. Et elle lui demanda si elle devait s'acquitter de ces jours-là, de siyam ou pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répondit: si ta mère avait laissé des dettes, est-ce que tu te serais acquitté de cette dette ou pas? La femme répondit oui. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى. Il lui a dit que les dettes à l'égard d'Allah étaient plus en droit d'être acquittées. Donc, il lui a permis de s'acquitter de ses jours de siyam en faveur de sa mère qui était décédée. Ils ont dit donc que cela concernait seulement siyam al-nadr, que le siyam que le défunt avait fait la promesse d'accomplir. Par contre, si c'est un siyam de Ramadan qu'il devait accomplir, eh bien dans ce cas-là, il faut nourrir des pauvres à la place. Et le troisième avis est qu'il est permis de jeûner en faveur du défunt, à la place du défunt, n'importe quel siyam. Quel que soit le siyam, cela est permis. Que ce soit un somme wajib, un siyam obligatoire, par exemple des jours de Ramadan, ou sinon siyam al-nadr, un siyam que le divin avait fait le serment d'accomplir, ou sinon une expiation, une kafara, n'importe quel jeûne, eh bien, dans tous ces cas-là, cela est permis. Il est permis de jeûner ces jeûnes-là en faveur du défunt. C'est l'avis d'Abu Thawr, de l'Auzay et d'autres savants également. Ils se sont basés sur la généralité du hadith de Aïcha qu'on a lu tout à l'heure, où le prophète alayhi salatu wasalam, a dit que quiconque meurt alors qu'il devait s'acquitter d'un siyam, que ses proches, que ses héritiers jeûnent pour lui. Vu que ce hadith est général, eh bien, il englobe toutes les catégories de siyam. Cet avis-là est l'avis qu'a choisi le Bayhaqi, Ibn Hazm, Ibn Hajar. C'est également l'avis qu'a choisi Cheikh Muqbil et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. Et Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste. Donc, on peut jeûner en faveur du défunt n'importe quel siyam, que ce soit un siyam obligatoire ou un siyam que le défunt avait fait le vœu, le serment d'accomplir, une kafara, une expiation ou autre. Reste, quelle est la réponse aux arguments des autres avis? Alors, le premier argument était le verset « Laysa lil-insan illa ma sa'a » qui signifie que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Ils ont cité que la réponse à cet argument est que celui qui a révélé ce verset « Laysa lil-insan illa ma sa'a » est également celui qui a révélé cet autre verset qui est « Litubayyana lin-nas ma nuzzila ilayhim » c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a envoyé le prophète alayhi salatu wasalam pour éclaircir aux gens ce qui a été révélé. Or, le prophète alayhi salatu wasalam nous a montré dans d'autres preuves qu'il est permis aux êtres vivants d'accomplir certaines œuvres en faveur du défunt. Entre autres, jeûner en faveur du défunt, comme on vient de le voir dans le hadith qu'on a cité auparavant. Également d'accomplir le hajj en faveur d'un défunt. Donc voilà la réponse à cet argument-là. Quant à la réponse au hadith « Celui qui meurt, ses œuvres cessent sauf trois choses », eh bien la réponse est qu'il est juste mentionné dans ce hadith que les œuvres du défunt cessaient. Non pas que les œuvres des autres personnes en faveur du défunt cessaient également. Voilà la réponse à ce hadith-là. Donc en résumé, l'avis le plus juste est qu'il est permis de jeûner en faveur du défunt, n'importe quel siyam que ce soit. La deuxième question est « Man wal wali ?» Que désigne le terme « wali » On a vu dans le hadith que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyo » Quiconque meurt alors qu'il devait s'acquitter d'un siyam, que son wali jeûne pour lui. Que désigne le terme « wali » Le hafid Ibn Hajar a cité que « Qila kullu qarib » Il a dit que certains savants ont dit que le wali désignait les proches du défunt. Waqil al-warith khasa. Et d'autres ont dit qu'il désignait les héritiers du défunt. Thumma qal wal awwal arjah wa thani qarib. Il voit que l'avis selon lequel le wali désigne les proches du défunt est le plus juste. Et il ajoute que thani qarib, c'est-à-dire que l'avis selon lequel il désigne le wali désigne les héritiers est également correct. Donc en résumé, le wali désigne les proches du défunt, les héritiers du défunt. La troisième question est hal as-sawm wajib 'ala al-wali? Si une personne décède alors qu'elle devait accomplir un siyam, est-ce qu'il est obligatoire au wali, c'est-à-dire aux proches, aux héritiers du défunt, d'accomplir ce siyam-là ou pas? Certains savants, comme Ibn Hazm, ont dit que cela était obligatoire. Ils se sont basés sur la généralité de la parole du prophète alayhi salatu wasalam, man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyo. Quiconque meurt alors qu'il devait s'acquitter d'un siyam, que son wali, que ses proches, que ses héritiers jeûnent pour lui. Ils ont dit que hadha khabar bi ma'na al-amr. C'est une information qui a un sens d'ordre. C'est comme si le prophète alayhi salatu wasalam avait intimé l'ordre au wali d'accomplir le siyam en faveur du défunt. C'est comme s'il avait dit que son wali jeûne pour lui, qu'il est obligatoire au wali de jeûner en faveur du défunt. Le deuxième avis, et l'avis de la majorité des savants, est que cela n'est pas obligatoire. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a expliqué pourquoi cela n'est pas obligatoire. pourquoi cela n'est que recommandé. Il explique que cela est recommandé et non pas obligatoire en raison de la parole d'Allah Azzawajal. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزِرَ أُخْرَى. Personne ne portera le péché d'autrui. C'est-à-dire que personne ne portera le péché d'autre personne. Or, si on dit qu'il est obligatoire au wali d'accomplir ce siyam, s'il ne le fait pas, eh bien, il récolte un péché. Il a un péché. Or, cela va à l'encontre du verset qu'on vient de lire qui indique que personne ne portera le péché d'autrui. Personne ne portera le péché d'autre personne. Donc, en résumé, l'avis le plus juste est qu'il n'est pas obligatoire au wali d'accomplir ce siyam-là. Cela est juste recommandé. La quatrième question est « Al-yaqtas dhalika bil-wali am yajuz an yanub al-ajnabi ?» Est-ce que seul le wali, c'est-à-dire est-ce que seuls les proches, les héritiers du défunt peuvent jeûner en faveur du défunt ou est-ce qu'une personne étrangère à la famille peut également jeûner en faveur de la personne qui est décédée ? Le premier avis, « Annahu yaqtas bil-wali ». Certains savants ont dit que cela était réservé au wali. Seul le wali, seuls les proches du défunt peuvent jeûner pour lui. C'est l'avis qu'a choisi le Hafid Ibn Hajar. Et d'autres savants ont dit non. Ils ont dit que n'importe qui pouvait jeûner en faveur du défunt, aussi bien le wali qu'une personne étrangère à la famille. Ils ont expliqué que le prophète alayhi salatu wasalam a cité le wali car en général ce sont les proches du défunt qui vont accomplir ce siyam-là. C'est l'avis qu'a choisi le Bukhari et également Abu Tayyib al-Tabari. Et ils ont dit que cela était comparable à une dette. Si une personne meurt et laisse une dette, eh bien, n'importe qui peut s'acquitter de cette dette-là. Aussi bien les proches du défunt qu'une personne étrangère à la famille. Donc, ils ont dit que c'était la même chose. N'importe qui peut jeûner en faveur du défunt. Aussi bien les proches du défunt qu'une personne étrangère à la famille. Et cet avis-là est l'avis le plus juste, comme l'a cité Shir Mohamed Ibn Hizam. La cinquième question est, si une personne décède alors qu'elle devait accomplir 30 jours de siyam, est-il permis à 30 personnes différentes de jeûner chacune un jour? Le Hafid ibn Hajar a cité que cela était permis. Il est permis à 30 personnes différentes de jeûner chacune un jour, sauf dans le cas où il faut jeûner ces jours de siyam-là consécutivement, comme lors d'une expiation. Si c'est par exemple le cas d'une expiation où il faut jeûner ces jours-là consécutivement, eh bien dans ce cas-là, cela n'est pas permis. On va maintenant citer certaines questions supplémentaires au hadith qu'on a lu auparavant. La première question est, lorsqu'on rattrape des jours manqués de Ramadan, doit-on les rattraper consécutivement ou pas? Par exemple, une personne était malade pendant Ramadan. Elle rattrape ces jours-là. Doit-elle rattraper ces jours-là d'affilée consécutivement ou pas? Certains ont dit qu'il fallait rattraper ces jours-là consécutivement. Ils se sont basés sur l'épreuve générale qui indique le fait de s'empresser vers les œuvres de bien, comme la parole d'Allah Azzawajal, « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » Et d'autres savants ont dit que cela n'était pas obligatoire. La majorité des savants a dit qu'il n'était pas obligatoire de rattraper ces jours-là consécutivement. Car Allah Azzawajal a cité dans le Coran « فَعِدَّةٌ مِنْ يَمِنْ أُخَرْ » Il a cité que celui qui a une excuse pour ne pas jeûner devait rattraper ces jours-là ultérieurement, par la suite. Et il n'a pas cité le fait de rattraper ces jours-là consécutivement, d'affilée. Donc, d'après cela, on peut rattraper les jours comme on veut. Si on veut, on les rattrape consécutivement, ou sinon, on peut disperser ces jours-là. Et cet avis-là est l'avis qu'a choisi l'imam al-Bukhari. Et Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste. Donc, l'avis le plus juste est qu'il n'est pas obligatoire de rattraper les jours de Ramadan manqués consécutivement. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Mokbel et également Cheikh Amin Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. La deuxième question est, doit-on rattraper les jours de Ramadan manqués immédiatement après le mois de Ramadan ou peut-on les retarder? Certains savants ont dit qu'il fallait jeûner immédiatement les jours manqués de Ramadan après le mois de Ramadan. Ils ont dit qu'après l'Aïd, il fallait commencer à jeûner immédiatement. Ils se sont basés sur l'épreuve générale qui indique le fait de s'empresser vers les œuvres de bien et vers le pardon d'Allah Azzawajal. comme ce verset, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Et la majorité des savants est d'avis qu'il est permis de retarder ces jours-là, à condition de rattraper les jours de Ramadan manqués avant l'arrivée du mois de Ramadan suivant. Donc il faut accomplir ces jours-là avant le prochain Ramadan. Ils se sont basés sur cela, sur le fait que Aïcha, radiallahu anha, veillait à rattraper les jours de Ramadan manqués avant l'arrivée du Ramadan suivant. Et c'est l'avis le plus juste. Donc l'avis le plus juste est qu'il est permis de retarder ces jours-là à condition de les accomplir avant l'arrivée du mois de Ramadan suivant. La troisième question est, que faut-il faire si une personne a des jours de siyam de Ramadan à rattraper et qu'elle les retarde jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan suivant? Si le mois suivant de Ramadan arrive et qu'elle n'a pas encore rattrapé ses jours, que doit-elle faire? Ici, on a deux avis sur la question. Le premier avis est qu'elle doit rattraper ce jour-là et en plus nourrir pour chaque jour un pauvre. Cet avis-là est avéré d'après Ibn Abbas et Abu Huraira, radiallahu anhuma. Et le deuxième avis est qu'elle doit rattraper ses jours de siyam, mais n'a pas à nourrir de pauvres. Elle n'a pas à s'acquitter d'une expiation qui consiste à nourrir les pauvres. C'est l'avis d'Al-Hassan, d'Al-Nakhai et d'autres savants. Ils se sont basés sur la parole d'Allah Azzawajal, « Fa'iddatum min ayyamin ukhra », où Allah Azzawajal a mentionné que celui qui a une excuse pour ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan se doit de rattraper ces jours-là par la suite, ultérieurement. Et comme l'a dit l'imam al-Bukhari, « وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَلَى الْإِطْعَامِ » L'imam al-Bukhari a dit qu'Allah Azzawajal n'a pas fait mention de l'idram, c'est-à-dire du fait de nourrir des pauvres. Donc on reste sur la base qui est de rattraper ces jours de siyam et qu'on n'a pas de preuve authentique qui indique de nourrir des pauvres. Donc l'avis le plus juste est qu'il faut rattraper ces jours-là, rattraper ces jours de siyam sans avoir à nourrir de pauvres. C'est l'avis qu'a choisi Ibn Hazm, Shawkani, Sheikh Muqbil et Sheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. Et enfin, la quatrième et dernière question est, si une personne a des jours de siyam de Ramadan à rattraper, lui est-il permis de jeûner des jours surérogatoires, c'est-à-dire de jeûner des jours supplémentaires non obligatoires, alors qu'elle n'a pas encore rattrapé ses jours manqués de Ramadan? Ou faut-il d'abord qu'elle commence par rattraper ses jours manqués avant de pouvoir jeûner ses jours supplémentaires? Le premier avis est que cela est permis si la personne a assez de temps pour rattraper ses jours manqués de Ramadan. Si elle a assez de temps, eh bien dans ce cas-là, elle peut jeûner des jours supplémentaires non obligatoires. C'est l'avis d'Al-Hanafiya et également une version d'après l'imam Ahmed. Et d'autres savants ont dit que cela était permis, mais déconseillé. Ils ont dit qu'il était déconseillé de jeûner des jours supplémentaires avant d'avoir rattrapé les jours de Ramadan qui ont été manqués. C'est l'avis d'Al-Malikiya. Et Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que l'avis le plus juste était le premier avis. Cela est permis à condition d'avoir assez de temps pour rattraper les jours manqués. Donc si on a assez de temps, eh bien cela est permis. Mais il a ajouté qu'il était préférable de commencer par les jours de Ramadan à rattraper. Il vaut mieux commencer par rattraper les jours de Ramadan pour par la suite commencer à jeûner des jours supplémentaires. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc voilà pour ce cours où on a vu ce qu'il fallait faire lorsqu'on se réveille en état d'impureté majeure, également s'il était permis de jeûner en faveur du défunt. Wa ilayna walhamdulillahi rabbil alamin.